Bonsoir les amis, vous êtes bien sur Radio Campus et bien sûr dans la machine à son. Eh oui, pour votre plus grand plaisir et vos plus beaux frissons. Donc ce soir, de quoi allons-nous causer ? Eh bien figurez-vous que ce soir c'est une émission qu'on va appeler émission sans titre, voilà. Alors je crois que je l'ai déjà fait dans les longues années de la machine à son, mais bon... La plupart ne s'en rappellent pas, moi non plus. Donc, on va dire ce soir, voilà, émission sans titre. Vous voyez, en fait, un peu dans l'esprit d'une galerie, voilà, où vous baladez. Il y a des tableaux, la Joconde, les nénuphars, les tournesols, les déjeuners sur l'herbe, tout ce que vous voulez. Et au milieu, un tableau sans titre. Voilà, en fait, bon, en général, quand il y a les premiers que j'ai cités, c'est pas tout à fait le même genre, ils ont tous des titres. Mais bon, des fois, voilà. Et bien, ce soir, voilà, la machine à son, ça va être ça. Parce que figurez-vous que, avec le professeur, on avait prévu un truc. Une émission qui devait s'appeler « La banane cosmique ». Bon. Voilà, c'était, en fait, il m'avait dit, voilà, j'ai le titre, faisons l'émission. Bon, impeccable. Et en fait, en discutant un peu avec lui, qu'est-ce que c'est, banane cosmique, machin, là, là, là, ça fait un peu classique et autres. Mais bon, il me dit, ben non, c'est parce que je vais voir mon copain Jean-Louis à la Chiasse, qui est en fait, c'est un, comment dire, un épicier chaman, qui est pote du professeur, et qui vend toujours des espèces de fruits exotiques, enfin, toujours des machins un peu étranges, voilà, de la nourriture particulière. Et donc, le professeur est allé donc voir son ami Olivier à la Chiasse, non, pas Olivier, pardon, c'est Jean-Louis. Olivier, c'est son frère, il fait autre chose. Bref, il est allé voir son épicier chaman qui lui a donc vendu des bananes cosmiques. Et il m'a dit, voilà, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, voilà. Donc, il est parti faire le truc. Et il devait revenir aujourd'hui pour l'émission. Et puis, tout à l'heure, on m'appelle. On me dit, bonjour, ici la SNCF, en fait, il y a quelqu'un qui vous appelle, qui cherche à vous joindre, mais qui n'a pas d'engin de téléphone, tout simplement, qui se dit être un professeur et qui est enfermé en fait dans les toilettes d'un TER avec un caddie rempli de disques. Et il ne veut pas sortir. Et là, donc, on est bloqué depuis 2 heures à cause de cet énergumène. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, c'était un peu loin de Montpellier. Ben, je leur dis, écoutez, je vais venir. Donc, je suis parti en précipitation, etc., pour aller un peu voir, me doutant bien que le professeur ait fait des trucs. Donc, j'arrive. J'ai effectivement fermé dans les toilettes du TER, donc la ligne Narbonne-Avignon, ligne sympathique. Et il me dit, non, je ne sortirai pas et tout, machin. Alors, bon, j'essaie de savoir un peu ce qui se passait. Il me dit, ben voilà, je suis allé voir mon épicier chaman. Et ben, les bananes cosmiques, elles sont réellement cosmiques. Donc là, je pense qu'il vaut mieux que je reste enfermé. Sinon... je risque de tomber dans un trou temporel, dans quelque chose de... voilà, et je ne veux surtout pas tomber dans un trou temporel. Bon, ben alors voilà. Du coup, ça a été compliqué, j'ai essayé de négocier, parce qu'il avait en fait dans son caddie, il avait tous les disques prévus pour ce soir, toute la musique, vous vous rendez compte. Donc là, j'étais un petit peu, comment dire, tendu, j'ai essayé d'être à la fois gentil, sévère et tout, mais rien à y faire. Donc bon, du coup, je suis parti, je l'ai laissé dans son train. Ils ont mis le train au rencard dans un coin, bon, je leur ai expliqué que normalement, c'est une banane, donc en général, au bout de 4 heures, voilà, la digestion est faite, on n'en parle plus. Et comme il est aux toilettes, bon, ben, c'est parfait. Donc voilà. Donc du coup, ben voilà, émission sans titre, parce que du coup, on peut pas appeler ça la banane cosmique. Hein. C'est quand même pas normal. On verra si le professeur se remet de cette excursion. Donc on va essayer de faire une émission qui n'a pas de titre, mais qui a du sens. Thank you.

sing and dance this evening. I want all you good dancers to come on, sing and dance with me this evening. Yeah! You know, the Indians had a thing. Yeah! It was a hip thing. They were singing and dancing. They did a thing something like this. Yeah! It sounds so astral pictures this evening. Good God! You know, the Washington Africans sing and dance. Yeah! The Africans, all the Africans got a thing. They sing and dance. But you know what? We the Wake. I'm gonna show you how to do our thing. I'm gonna sock it to you. Here we go. Good start. Compris, ce soir vous allez danser et chanter, alors dansons et chantons tous ensemble. Oh l'erreur, heureusement que le professeur est pas là, sinon là c'était 27 coups de fouet, l'Iran à côté, mais c'est le Club Med. Yeah! Alors, eh oui, il fait chaud. Là, je vous fais bouger, danser. Donc, on va faire une petite micro-pause dans le côté excité. On va être plutôt dans le côté mental, intellectuel. Mental, intellectuel. When I first met you, babe. Sexuel. You said you'd be mine. When I first met you, baby, you said you'd be mine. I still worried about you, baby. Baby worried all the time. Don't you know, baby, you got to read just what you sow. Well, yeah, don't you know, baby, you got to read just what you sow. Well, yeah, don't you know, baby, you know you did me wrong. You know you did me wrong. Oh, that's all right, baby. What a DD, you're gonna find out you lost a good man. You lost a good man. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah, I'm leaving you, baby. Oh, yeah. Goodbye, baby. I know you don't mean me no good. Now, goodbye, baby. Goodbye. Goodbye. Goodbye, darling. Goodbye. Goodbye, baby. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. See you. sığınağım yorganımsın. Gece camdan dolana içime çektiğim havasın. Hiçbir şeyin olmadığı yerde her şeyin gizli varlığısın. Yaklaşan fırtına zerveyan korkularımsın. Sihirli elmam, jiletli turtam, zehirli yılan ya da bilakis sorma. Kayıp tanrıçamsın. Aşk içinde bir muhabbet, sustuğum en güzel sohbet. Kuantum teorisi kadar gizemli ve muazzamsın. Vazirim, morfinim, sen benim gizli forvetim. Ezelde you and they were waiting on their chair. You didn't think I would find out, you didn't think I'd ever know. But now I'm out in the street, babe, and I'm gonna have to let you go. Vous êtes toujours dans la machine à son. Ce soir, émission sans titre, mais avec du cœur. Hate's a bit of a strong word as I bump into your sorry ass in the park, as I'm pushing my little girl. But what else could you do when presented with a fucking idiot like you? I get a latte in the French style cafe and a croissant and jam. Sit down and try to fucking forget about it, man. I hate that lad shit. Red top nice tits, that Ian McCulloch white boy bore me footless Terry Smith. Long drawl and calculated hand movement, has been silent partner at the back, giving fucking blessings to up and coming twats in Max. And your job made you more confident, like a grub getting feathers and a beak. You got a big mouth, I fucking hate ya. Always avoid a cunt like you on the street. The man is a wanker. The man is a wanker, it don't get much better. The man is a wanker. The man is a wanker, he don't get much better. Physically past it, past the tax. Do you want a facial cavity, courtesy of my jam pandit, you fucking cunt? I'll have a 32 inch waist in raw denim and stick him in the freezer, dung. I've got years on you, while you've got belly on me. In a belly competition, mate, you'd win easily. Hands down, with a side profile matching that of fucking Gordon Brown. Always a number 10, always getting beaten by nine other men, ain't ya? Moving up in the world doesn't mean using the lift, mate. What floor do you want? Don't mind me, I'm in the fucking thing all day. The man is a wanker. The man is a wanker, he don't get much better. The man is a wanker. The man is a wanker, he don't get much better. Tour the park in all your glory, friendships established, you fucking bore me. Shit wafer, shit ice cream, the ice cream man did time for obscene behaviour. So why haven't you suffered like you fucking should do? Boo boo, boo hoo, crying inside, sarcastic out front. Did I do something bad to you in a previous life, you cunt? Shut up, the man is a wanker. The man is a wanker, he don't get much better. The man is a wanker. The man is a wanker, he don't get much better. Man is a wanker. The man is a wanker, he don't get much better. The man is a wanker. The man is a wanker, he don't get much better for you. For you. For me. Pussycat, where are you? Calls volleyball. m'acheter un tout petit flacon de parfum. Depuis que j'ai découvert Chloro Closet, ma vie a changé. Chloro Closet, c'est vraiment la révolution dans le parfum. Les gens ont dépensé des fortunes pour acheter du parfum. Parfum pour Blonde, parfum pour Brune, Nina Ricci, Balmain, Guerlain. Des millions en petits flacons jusqu'au jour où Chloro Closet, le parfum pour les toilettes, déclenche la révolution. A du Ricci, c'est du pipi. Pas pour un pain, le sang, la banane. Mets des Chanel à la poubelle. Voilà le parfum universel. Chloro Closet, Chloro, Chloro, Chloro Closet. Une bouffée d'air pur dans vos toilettes. Et un petit coup dans la poubelle. Et un petit coup sur les aisselles. Et un petit coup sur la dentelle. Voilà le parfum universel. Chloro Closet. Amis et grands, il est l'heure de se quitter bientôt, dans quelques minutes. Et oui, c'était censé être en fait un au revoir avec les lunes à pleine lune, et puis évidemment, erreur de face. Et oui, heureusement que le professeur n'est pas là, sinon, aïe aïe aïe mes fesses. Donc ce soir, vous avez écouté Elie Ejecto, avant ça, le grand Magic Circus avec l'excellent Chloro Closet, Alpes, Julie, Jody, j'ai pas fait exprès, mais voilà. Les Viagra Boys, Olivier Messiaen avec le Merle Noir, très joli Merle Noir. Casse Product avec son chat qui lui gratte les épaules, mais en fait elle apprécie quand même un peu les griffures de son chat. À voir. Les Sleaford Mods, Robert Finlay, l'excellent Robert Finlay. Gay Sue Akyol, les Doors, John Lee Hooker. Os Impactos, les Barcays ou Barcays, et au tout début The Fabulous Courettes avec une petite introduction avec Pierre-Henri, avec Pierre Schaeffer, Pierre-Henri, etc. Tous les pierres en fait de, on va dire, la musique concrète. Et oui, c'est toujours bien pour vous mettre un petit peu à l'aise. Donc merci encore d'avoir écouté et d'écouter depuis tant d'années la machine à son. Je tiens à vous signaler que demain, pas demain, vendredi, pardon, sur l'esplanade au Kiosque à Musique, nous fêterons les 15 ans de Radio Campus Montpellier, et donc les 15 ans de la machine à son. Eh oui, voyez-vous, ça nous rajeunit pas. Le professeur, c'est peut-être ça en fait qui l'a poussé à aller bouffer la banane cosmique. Eh oui, il a pris un petit coup de vieux. Bonne nuit. Et Radio Campus Montpellier, ça continue.